Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Ravi de vous retrouver. Alors, toutes mes excuses pour la semaine dernière, mais bon, un incident de dernière minute a fait que j'étais dans la possibilité de faire l'émission. Et croyez-moi, ça m'a manœuvré parce que on avait normalement de quoi faire du très très lourd, puisque normalement nous devions parler du Creekfest, bon, qui j'espère a eu beaucoup de succès, j'imagine, on connaît son ami Christophe, j'imagine que ça a dû être un super moment. Enfin bon, ce soir, toujours est-il que on va retrouver donc 2 heures de métal pour se décrasser les oreilles avec des nouveautés bien sûr et donc un petit survol de tout ce qu'il y a eu ces dernières semaines dans tous les genres et sous-genres de notre style musical préféré. Eh bien, si vous êtes bien installés, on va commencer par un des artistes récurrents de Electric Shock ces dernières semaines. C'est le nouvel album de Red Sun, Atacama Summer Child, qui est sorti il y a un mois exactement. Mélange de punk, de stoner, de plein de choses, de psyché, enfin bref, quelque chose de très intéressant. Donc extrait de cet album, on va s'écouter Passenger pour commencer l'émission. We'll be right back. C'est un petit moment qu'on n'avait pas passé un petit extrait du dernier Bukowski, Cold Lava, qui était sorti en fin d'année dernière. C'était Isolation, et juste avant, c'était donc les Bordelais, les Roches, oui, de Red Sun Atacama, et leur quatrième dernier album, Summer Child, et on s'est écouté le morceau Passenger. Hein. Avouez que pour commencer l'émission, ça le fait quand même. Eh bien, la suite, ça va être la première nouveauté de la soirée, avec un nouveau live de Dream Theater, oui, encore un de plus, un official bootleg qui est sorti il y a ça, un mois exactement, là, que je me suis procuré il y a quelques semaines. Alors Dream Theater, depuis 2021, on a profité pour ressortir, vous savez, tous ces archives qui étaient sorties à l'époque de façon assez confidentielle sur leur label It's a Jam, ou qui n'était disponible que sur leur site internet ou lors des concerts. Donc là, ça a permis de remettre ça à disponibilité de tout le monde, et ainsi qu'en vinyle d'ailleurs, et aussi de temps en temps ressortir des choses un peu plus contemporaines. C'est le cas comme par exemple que ce Live in Tokyo 2010, qui vient de sortir, donc qui a donc été enregistré le 8 août de cette année, donc 2010. Alors c'est un concert historique, à plus d'un titre. Déjà, c'était le dernier concert de la tournée Black Clouds and Silver Linings, et c'était surtout le dernier concert de Mike Portnoy avant son grand retour Ça y est, maintenant 2 ans, à tout casser, quoi. Et donc, c'est un concert un peu plus court que d'habitude, puisque c'était dans le cadre d'un festival où Dream Theater donc, jouait à peu près 1h30. Donc, en 1h30, ça veut dire qu'il n'y avait que 6 morceaux. Alors, évidemment, le dernier album, Black Clouds and Silver Linings, était quand même mis sacrément à l'honneur, avec 4 titres, donc, sur 6. Un titre de Systématique Chaos, qui était l'album précédent, et un petit medley, évidemment, de l'album qui les a fait connaître, c'est-à-dire... Images and Words. Eh ben, je vous ai pas choisi un petit extrait de Black Cloud, je vous ai choisi plutôt le seul extrait donc de Systematic Chaos, c'est-à-dire le morceau Wheeler. We'll be right back. them before? Can we help them break away? Are we profiting from war? Alors, c'était Prophets of War et non Wither, comme je vous l'avais annoncé. Personne n'a remarqué, hein, quand même. Donc, extrait du Live in Tokyo 2010, donc de Dream Theater, un official bootleg, donc, qui vient donc de sortir, enfin, qui est sorti il y a de ça presque un mois, mais nouveauté donc pour Electric Shock. Changeons maintenant complètement de registre, allons nous faire du punk rock avec le groupe qui a tout inventé en France, les Wampas. Les Wampas, quasiment plus de 40 ans de carrière. Les Wampas qui étaient au concert à l'Olympia samedi soir dernier, et que c'était complet déjà des mois à l'avance. Donc j'imagine que ça a dû être un moment vraiment génial. On se fait un petit extrait de Où va nous, le dernier album qui nous montre que bah, Didier Wampas a beau être à la retraite depuis un petit moment. Et il a toujours la patate, par exemple. On va s'écouter, tiens, Pendu à Forbach. Oh, The Offspring et leur dernier album Supercharged sorti en 2024, c'était The Fall Guy, et puis avant Made in France et Pure Punk. Les Wampas et leur dernier opus Uvanu sorti au mois de février, c'était donc Pendu à Forbach. Après le punk, on va se faire maintenant du pur heavy metal des années 80, et pour ça en France on a notre meilleur représentant, c'est Existence, qui nous a sorti un album, un excellent album qui s'appelle Wildfire, il y a de ça un peu plus d'un mois maintenant. Même si je continue à le trouver un poil en dessous son prédécesseur Wolf Attack, ça reste quand même du très très bon. Et ben ce soir, on va tout simplement s'envoyer le titre qui donne son titre à l'album. Damon Cetis avec The Rise of the Tyrants, un extrait de Part 3 Down of an Apocalyptic World, leur dernier album sorti l'année dernière et que vous avez peut-être pu voir samedi soir lors du Creekfest. Lorsque j'en ai vu des extraits live, ça devait vraiment être excellent. Juste avant Amon Cetis, c'était donc Existence, hein, maintenant qu'on ne présente plus, avec son album Wildfire, et c'est le morceau donc qui donne son titre à l'album qu'on s'est écouté. On va se faire maintenant la deuxième nouveauté de la soirée avec une légende du thrash américain, avec le nouvel album de Exodus. Alors Exodus, donc comme je vous le disais, j'ai eu la chance de les voir, le 24 mars dernier, en première partie de Creator, où ils ont vraiment donné A Lesson in Violence, hein, comme l'un de leurs titres de fameux Bandit by Blood. Et je dois avouer que juste après, évidemment, il fallait que j'achète le nouvel album qui était sorti quelques jours avant leur prestation parisienne. Alors Exodus, c'est un petit peu le syndrome d'Overkill pour moi, c'est-à-dire que c'est un groupe sur scène qui tue vraiment, mais que les albums, souvent, c'est bien, il y a des choses pas mal, il y a 2-3 morceaux qui déchirent tout, mais bon, c'est assez inégal. Et je dois reconnaître aussi que moi, je n'étais pas un grand fan de la voix de Steve Souza non plus, donc ça n'aide pas beaucoup non plus. Et là, j'étais très content de voir que Rob Dukes était de retour avec sa voix de façon plus hardcore. Il apportait, je pense, il apporte vraiment quelque chose en plus à Exodus. Et alors, ce nouvel album qui s'appelle donc Goliath, à ma grande surprise, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment des morceaux hyper violents, hyper rapides. Il y en a toujours, hein, rassurez-vous. Hein. Mais il y a beaucoup, surtout, de mid-tempo bien écrasant et ça le fait quand même. Alors, c'est peut-être pas leur meilleur album. De toute façon, je crois que maintenant, Bandit by Blood restera toujours indétrônable. Mais il y a de très bonnes choses sur ce Goliath, comme ce Free 111, morceau qui a été joué d'ailleurs pendant leur concert parisien. Bon, il faut dire que vu leur temps de jeu quand même très court, il y a eu que deux extraits de cet album. Enfin bon. Ça le faisait bien. êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et qu'est-ce qu'il y a entre 19h et 21h le mardi soir? C'est Electric Shock, Electric Shock qui est là pour vous décrasser les esgourdes toutes les semaines. À l'instant, donc, Creator avec Crushers of the World, morceau donc qui donne son titre à l'excellent dernier album. Et juste avant, Exodus avec Free 111, extrait donc de Goliath, qui est leur album tout nouveau, tout chaud. Et c'est également donc la deuxième nouveauté de la soirée. Allons faire un petit tour maintenant dans les Landes pour nous écouter un petit peu de grunge bien méchant et bien entre mélange punk et de guitare abrasive, enfin voilà. Premier EP pour les nanas de Pussy Miel, que je vous ai déjà présenté il y a de ça quelques semaines. Donc extrait de Be Raged, on va s'écouter donc Lack of Understanding. We'll be right back. Les Anglaises de Witch Fever et leur deuxième album Fever Eaten. On s'est écouté donc le morceau Safe. Et venu de Cap-Breton, les Pussy Miel et leur premier EP Be Raged. C'était Lack of Understanding. Et bien maintenant, si vous voulez bien, on va faire un petit tour en Finlande. Retrouver non pas un des fils cachés de Stratovarius, non, non, loin, quelque chose de complètement différent. On va retrouver Bloodstained Hallow, jeune groupe qui s'est formé en 2025 et qui vient donc de sortir son premier EP. What Remains of Me, qui est un mélange de hardcore, de metalcore, de death, enfin de plein de choses. C'est sacrément bien foutu et pour un premier jet, ça le fait. Il s'appelle What Remains of Me, ce petit EP, et on va écouter le morceau Death. Let's go. Hidden Below, un extrait de Brain Collector, le dernier album de Vector. Venu de Finlande, et leur premier EP, What Remains of Me, c'était donc Bloodstained Hello avec Death. Et on a déjà dépassé la première heure d'Electric Shock. Bah oui, comme le temps passe vite, comme je le dis souvent, quand on a de la bonne musique et de la bonne compagnie, ça ne peut que passer très rapidement. Eh bien, on va se faire la troisième nouveauté de la soirée. Pour ça, on va faire un petit tour dans la ville de notre ancien premier sinistre, c'est-à-dire à Pau, où un jeune groupe intitulé The Wooden Pearls, un petit trio palois, donc, qui vient de déboucher son premier album Against the Tide. Alors, comme vous direz, c'est frais, c'est rock, énergique et catchy. C'est vrai, c'est ce que m'ont dit mon ami MP sur son webzine Metal Eyes. Je partage tout à fait l'avis. Donc, on est plutôt là dans du rock plutôt que du métal. Et il y a plein de choses différentes. Les morceaux ne se ressemblent pas. Par exemple, sur Docile, on pense par moments à Niagara, époque, le plus ancien d'entre vous se rappelle de l'époque de l'album Religion, où le groupe pop était se met vraiment en groupe de rock musclé. Il y a par moments des petites traces de Patti Smith, on pense aussi aux Cranberries, Stevie Nicks, enfin il y a plein de choses. Et surtout un mélange dans le chant de parties en français, d'autres en anglais. Donc vraiment un groupe, à mon avis, à suivre de près. Donc extrait de ce premier album, on va se faire tout simplement le morceau qui ouvre l'album, c'est-à-dire Docile. Put your mask on. J'obéis à ma liberté saine. Il est vraiment excellent, le premier album de Damantra, Better of This Way. Hein, sacré potentiel, hein, quand même. On vient de s'écouter Big Girl. Juste avant, bah, eux aussi, hein, je pense qu'il y a du potentiel. Et c'est aussi, c'est leur premier album également. Avec les Palois de The Wooden Pearls et leur premier album Against the Tide. Et on s'est écouté le morceau Docile. Et bien maintenant, allons faire un petit tour du côté de Bourg-en-Bresse, retrouver un groupe habitué d'Electric Shock, puisque bah, Electric Shock a presque grandi en même temps que ce groupe, c'est Messaline. Messaline toujours le cul entre deux chaises, entre hard rock pur et dur et en même temps rock progressif, avec des textes bourrés de jeux de mots, de métaphores, de plein de choses. Bref, un groupe vraiment à écouter très attentivement. Et bien ce dernier album, Alias Lilith, ne déroge pas à la règle, il y a toujours de très bonnes choses dessus. Comme ce commando héros alias Ombre Kéria qu'on va écouter maintenant. Adieu l'oiseau, adieu. s'envole, assume ton ciel, les endociles, le monde aussi. Il pleut des ordres, des inepties, des yeux, des larmes, des confettis. Adieu mon oiseau, adieu ma colombe, vaste chimère. La légende du rock français, Ange, avec son nouvel album Cunégonde, sorti au mois de septembre dernier, dont on nous a passé d'ailleurs pas mal d'extraits, et dont on avait eu la chance d'ailleurs de pouvoir tailler le bout de gras avec Tristan Descamps, le fils du légendaire Christian, à une discussion qui avait été très intéressante. Donc, extrait de cet album, c'était Pace Nobilis. Juste avant, c'était Messaline, qu'on peut qualifier leur fils spirituel, mais en plus hard rock, avec leur dernier album Alias Lilith, et on s'est écouté donc Commando Hero alias Ombre Guerilla. Eh bien, c'est Electric Shock, vous savez ce que c'est, ça veut dire qu'on passe du coq à l'âne, on passe d'un truc cool à un truc méchant et vice-versa. Là, ça va être le cas maintenant avec la quatrième nouveauté de la soirée, avec un groupe qui s'appelle Skaphos. Alors Skaphos, c'est un groupe français de entre death metal et black metal qui existe depuis 2018. Et ils n'ont pas perdu de temps puisqu'ils ont déjà sorti 3 albums. Leur premier s'appelait Batiscaf en 2020. En 2022, on a eu droit à Tohoy et Cult of Uzula en 2025. Et là, vendredi dernier, donc c'est tout chaud, tout bouillant, est sorti donc leur quatrième album, The Descent. Si vous aimez ce style, vous n'allez pas être déçu du tout et il y a de très bonnes choses là-dessus. Extrait donc de cet album. Allez, décrassons-nous les oreilles avec le morceau Mirborn. Electric Shock, c'est quoi? Electric Shock, c'est l'émission qui frappe et qui vous grille les neurones tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, on va attaquer bientôt la dernière demi-heure de l'émission puisqu'il est 20h29. Mais on vient de s'écouter un petit extrait du dernier album de Towards the Throne Midnight. C'était donc Caught Between Breaths. Et juste... avant Towards the Throne, la quatrième et dernière nouveauté de la soirée avec un groupe de black metal Skaphos, c'est leur quatrième album The Descent. Et on a découvert le morceau Mire Born. Et bien maintenant, on va refaire un petit tour du côté des Tourangeaux de Coma. J'insiste sur le trait d'union entre Co et Ma. Et leur premier album Anthropolis sorti début mars. Donc power trio mélangeant punk, post-hardcore et noise avec plein d'influences différentes. Et le morceau qu'on va s'écouter maintenant, c'est Air Preacher. avec Air Preacher, extrait donc de Anthropolis, leur premier album à l'instant. Eh bien, si on se passait un petit peu de MC50, le groupe que Wayne Kramer avait fondé en 2018 pour les 50 ans de Mythic Live Kick Out The Jams, avec quand même, excusez du peu, quand même Matt Cameron, Billy Gould, Kim Thayil, donc des gens de Soundgarden entre autres, où il revisitait donc le répertoire de son groupe légendaire. Par exemple, sur ce live qui est sorti le mois de décembre, qui s'appelle donc Ten More Live, dont on a passé déjà pas mal d'extraits, il y a une superbe version de Starship, le morceau d'ailleurs qui clôturait le live mythique Kick Out The Jams. Et là, c'est pareil, ça se termine en free jazz complètement délirant. Donc, ben voilà, je pense que ça va le faire, c'est pour ce soir. Next stop, Jupiter. All aboard for Jupiter. Next stop, Jupiter. On a song called Starship. A song called Starship. A song called Starship. Stop it! with outer spaceway. Incorporated. Incorporated. Incorporated. There is a land whose beauty is almost unimaginable to the human mind. We stand there and look further than any ordinary eye can see. Far above the roof of this world, we can encompass vistas of the world. There is a land where the sun shines eternally. Je vous l'avais dit, hein, Destroy, hein, ce Starship repris par Wayne Kramer et ses potes sur l'album de MC50, Ten More Live, hein, ça c'est clair. Eh bien voilà, tiens, allons faire un petit tour en Espagne, retrouver le premier album de Rave in Fire et Square One, un pur album de heavy metal des années 80, et on va s'envoyer tout simplement le morceau qui donne son titre à l'album. Yeah. Square One, extrait donc de l'album du même nom des Espagnols de Rave in Fire. Ben, il nous reste un petit peu de temps, on a le temps de se faire un petit morceau avant de passer la place à Christophe et aux amis Nightclubbers pour Electro Live. Ben, tiens, on va se terminer avec Megadeth, un petit extrait du dernier Megadeth. Et ben, Electric Shock donc se terminera avec Hey God. Hey God! Donc de Megadeth. Voilà, c'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci d'avoir été encore à l'écoute du métal comme tous les mardis soirs. Et maintenant, les amis Nightclubbers vont être ravis puisque Electro Live va commencer. On va voir ce que l'ami Christophe a préparé ce soir. Salut. Salut, bonsoir à toutes et à tous. On va commencer par de la house et puis en deuxième partie, plutôt de la tech house. Voilà, avec un peu de house mélangé. Voilà, donc super programme, comme toutes les semaines d'ailleurs. Yes. Donc Electro Live, c'est tout de suite maintenant à Midnight Clubbers, et moi je vous dis à mardi prochain. Salut à tous.